Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la conquête de la Coupe Stanley par les Canadiens de Montréal en 1993. 17 secondes maintenant, c'est chose certaine. Le Canadien qui remporte sa 24e Coupe Stanley de son histoire. Et c'est l'équipe qui a gagné le plus de championnats dans le monde du sport. Toute discipline comprise. C'est terminé. Victoire du Canadien de Montréal qui élimine les Kings en 4 victoires contre une défaite. Le 9 juin 1993, les Canadiens de Montréal remportent la 24e Coupe Stanley de leur histoire. Cette série éliminatoire de 1993 reste historique pour les partisans des Canadiens pour plusieurs raisons. La série d'abord avait très mal commencé pour le tricolore, mais grâce à une équipe soudée, à un entraîneur rassembleur, à un gardien de but en état de grâce, les Canadiens vont réussir l'impossible. Et autant la victoire des Canadiens est une surprise cette année-là, autant la série de 93 reste au final une série presque parfaite pour la Sainte-Flanelle. Et en contre-attaque, Leclerc s'amène avec Lebeau à sa droite, à 2 contre 1. Leclerc passe pour le doigt du filet, revient. John Leclerc! Incroyable! 10e victoire d'affilée du Canadien en prolongation. 3e victoire d'affilée dans cette série. Montréal mène 3-1 cette série, 4-7. Et quand l'entraînement commence, et la première chose que Jacques Demers dit, on va choquer le monde du hockey. Et là, on se regarde, on dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que lui, il se disait déjà dans sa tête, c'est la coupe. On va gagner la coupe. Le joueur des Canadiens, Patrice Brisebois, à l'émission Podium le 11 mai 2018, pour nous faire revivre cette série historique de la conquête de la Coupe Stanley par les Canadiens en 1993. Je reçois le journaliste Pierre Houde, qui assure justement la description des matchs des Canadiens au réseau RDS. Pierre Houde, bonjour. Bonjour, Jacques. C'est un véritable plaisir de revivre ces souvenirs-là. Parce que c'est ça qu'on va faire, revivre cette série-là, qui est vraiment une série mémorable, extraordinaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend cette série-là mémorable, Pierre Houde? Il y a une foule de facteurs, et on va en toucher plusieurs dans notre discussion, j'en suis convaincu, mais il faut commencer par le fait que le Canadien n'était pas l'équipe favorite, compte tenu de la qualité de ses rivaux immédiats à l'intérieur de sa propre section. On les voyait vraiment pas partir avec la Coupe Stanley cette année-là? Certainement pas. On les voyait compétitifs à l'intérieur de la section, mais on regardait quand même à l'intérieur du groupe de l'Est, les Bruins de Boston, les Nordiques de Québec, les Penguins de Pittsburgh. Déjà là, on avait des rivaux qu'on considérait plus talentueux, avec une profondeur supérieure à celle du Canadien. C'est aussi, comme vous l'avez dit, le très mauvais, et les hauts et les bas de la saison régulière, le très mauvais début de la première ronde éliminatoire contre les Nordiques de Québec, le doute qu'a semé, malgré lui, le gardien Patrick Roy, qui s'est avéré la grande vedette par la suite. Ouais. Et je dirais, ce qui rend encore plus mémorable et qui donne encore plus de saveur à cette conquête, c'est le fait que vous en parlez aux anciens joueurs aujourd'hui. Ils s'illuminent dans leur regard. Ceux qui étaient là à l'époque. Ouais. Ils ont vécu, au-delà du sport, ils ont vécu un parcours absolument survoltant sur le plan humain. Une aventure humaine fabuleuse et des statistiques aussi. C'est beaucoup ça, le monde du sport. Pierre-Houd, vous le savez mieux que moi, mais écoutez, une série de matchs, de victoires consécutives, qui est quoi, 10, 11 victoires consécutives, en prolongation, exact. On est à ça aussi, là, 10, 11 matchs gagnés en prolongation. C'est exceptionnel. Et il y a aussi, sur le plan individuel, Éric Desjardins, un défenseur qui détient encore un record de tour du chapeau pour une finale de la Coupe Stanley par un défenseur. Ouais. Alors, sur le plan individuel, autant que sur le plan collectif, il y a plein de moments savoureux et mémorables. Et pourtant, on l'a un peu évoqué, mais les Canadiens partaient de loin cette année-là. Parlez-nous de ça, en fait, du début de saison 92-93. Elle en est où, cette équipe-là, au début de la saison? Bien, ça fait trois fois que les Bruins, les rivaux immédiats des Canadiens, réussissent à les sortir des séries éliminatoires au premier tour. Et on est un peu irrité à Montréal. On pense aussi que l'entraîneur Pat Burns a un peu fait le tour du jardin et qu'il faudrait probablement un entraîneur à saveur tout à fait différente. Pat Burns est un excellent entraîneur, qui d'ailleurs est allé à Toronto cette année-là et a bien failli amener les Leafs en finale de la Coupe Stanley, éliminé par les Kings de Los Angeles. Mais on voulait un entraîneur plus humain, plus proche des joueurs. Et on s'est tourné vers Jacques Demers, ce qui s'est avéré non seulement le bon choix, mais le choix parfait dans ce que recherchait le directeur général Serge Savard. Un changement d'époque cette saison-là. Et on a ajouté aussi deux joueurs très importants en attaque. Vincent Danfos, qui est tout jeune, qu'on est allé chercher chez les Oilers d'Edmonton à l'époque, et Brian Bellows, lui qui était le vétéran, un marqueur reconnu, capable de marquer facilement 40 buts par saison à l'époque. Alors, ce furent deux additions extrêmement importantes pour le Canadien. Jacques Demers, on y revient, vous le disiez, il va avoir un très, très grand rôle dans cette conquête de la Coupe Stanley en 93 par le Tricolore. On écoute un extrait du documentaire 1993, 15 ans déjà, présenté à RDS en mars 2008, qui nous parle de, puis on y revient dans un instant, de la touche Demers. Dans un geste d'éclat, Demers ordonne à ses joueurs de se présenter au Forum le lendemain pour l'entraînement le plus matinal de l'histoire de l'équipe. Tout le monde doit être dans le vestiaire à 6 heures puisque la séance débutera une heure plus tard. Puis je suis sûr et certain qu'il devait m'haïr en tabarouette cette journée-là. Le message qu'il voulait passer, je vais vous montrer c'est quoi travailler, d'avoir un job régulier. Le monde, qui sont pas dans le sport professionnel, se lèvent le matin à 6 heures, vont travailler, puis c'est ça un job normal. Mais en prenant des décisions aussi draconiennes que ça, est-ce que tu as peur à un certain moment de perdre ton vestiaire? Non, j'ai jamais eu peur. D'ailleurs, je l'avais fait à Détroit. Puis Jean-Jacques Daigneau avait lancé une bonne joke. Il avait dit, quand on est arrivé dans la chambre, il y avait toutes les photos des anciens qui sont au temps de la renommée. Il dit, toutes les photos des anciens avaient tous les yeux fermés à 6h du matin. C'était tellement de bonheur. On a bien réagi parce que on a trouvé ça drôle. Même moi, après ça, je trouvais ça drôle. À 9h30, j'étais revenu dans mon lit couché. Je me suis dit à ce moment-là, si on est capable d'en rire, c'est parce qu'on comprend que le geste posé par l'entraîneur, c'est un geste mérité. En prenant ces décisions-là, il a montré à tout le monde que c'était le patron. Il était capable, à un moment donné, là, de mettre un pied à terre, de dire là, ça fait. Là. Demers déclare aux journalistes qu'ils verront une équipe différente à compter de maintenant. Cependant, le Canadien subit une défaite de 5-2 dès son match suivant à Pittsburgh. On sentait que de la façon que les joueurs avaient joué, on va être correct. On va être correct. Extrait du documentaire, ils vont être corrects, effectivement. Extrait du documentaire 1993, 15 ans déjà, dans lequel vous entendiez l'entraîneur Jacques Demers et les joueurs Vincent Danfous, Benoît Brunet et Patrick Roy. Comment résumer cette approche? La recette de Demers, ça tenait à quoi, Pierre-Houd? Oh, ça tenait à une faculté de rassemblement extraordinaire, une faculté de vendre littéralement ce dont Patrice Brisebois nous parlait en début d'émission. Jacques, on va choquer le monde du hockey. Demers avait cette qualité. Et il avait probablement 20-quelques clients prêts à acheter sa philosophie, plus que sa philosophie, sa vente. Ouais. Une vente à pression, ouais, presque, mais avec une faculté de motivation qui faisait contraste avec ce que Burns avait imposé comme rigidité. Demers arrivait avec, cependant, un traitement choc qu'il a dû utiliser, c'est ce fameux entraînement à 7 heures le matin. L'équipe avait perdu 3 des 4 premiers matchs et après la défaite subséquente, a connu une séquence de 12 matchs sans défaite. Alors, le message était passé. Je serai votre homme, je serai votre confident et votre ami, mais je serai votre patron en même temps. Ferme quand il le faut, mais l'approche, fondamentalement, c'est ça que Savard est allé chercher au cours de l'été. C'est ce gars d'équipe qui travaille. Il n'y avait pas de grande vedette dans cette équipe-là. Il y avait des joueurs qui brillaient peut-être un peu plus que d'autres, mais cette victoire-là, en 93, c'est la victoire d'une équipe. Ah oui. Absolument. Les vedettes individuelles, elles étaient ailleurs. Elles étaient à Pittsburgh, elles étaient à Boston. Ouais. Elles étaient même chez les Nordiques avec une équipe qui était justement dans sa croissance extraordinaire avec les Sakic et les Sundin et compagnie. Mais il y avait des joueurs de caractère très, très, très forts à Montréal et des joueurs qui étaient capables de compléter cette approche d'équipe que voulait imposer dès le début Jacques Demers. Un de ses joueurs de caractère, évidemment, c'est Patrick Roy, le gardien de but, qui va avoir aussi une grande influence dans l'évolution de cette série de 93 et dans cette conquête des Canadiens de la Coupe Stanley. Pourtant, parlez-moi de ça, parce que on revient à Demers quand on parle de Patrick Roy dans cette saison-là. Patrick Roy, il est à peu près toute la saison très critiqué. En janvier, il y a des sondages qui sont faits. Les partisans veulent qu'il quitte, qu'il soit échangé, qu'on le renvoie. Demers sera toujours derrière lui. En fait, il a été derrière lui au point culminant de cette grogne populaire qu'on reconnaît encore aujourd'hui, parfois, comme quoi ça fait partie des mœurs à Montréal. Écoutez, à la mi-saison, Roy a à peu près autant de victoires que de défaites. Ouais. Ce qui est pas suffisant au goût des amateurs. Et Demers fait vraiment un acte de foi envers son gardien de but, en privé avec lui. Il lui dit, écoute, t'es mon numéro un, je vis ou je meurs avec toi comme entraîneur. Et il n'y a aucune autre piste possible, aucune autre solution que de toi-même prendre ce que je te dis et de nous amener à un niveau supérieur. Ce qu'il fera en partie pour le reste de la saison, mais le reste de la saison ne sera pas toujours convaincant non plus. Alors évidemment, a posteriori, ce sont les séries qui ont révélé la grandeur de Patrick Roy comme athlète. C'est facile, avec le recul, effectivement, de faire l'analyse de ce qui s'est passé, mais sur le coup, c'est très, très dur. Cette saison-là, le Canadien n'a pas de mauvaise fiche, mais ce n'est pas une saison glorieuse. Il y a cet échange entre Demers et Patrick Roy dont vous venez de nous parler, Pierre-Houd, mais pour Demers, c'est très, très éprouvant. La fin de la saison est vraiment très, très, très difficile pour lui. Il va carrément se retrouver à l'hôpital, Jacques Demers, à un moment donné. Écoutez, Jacques, c'est à peine 6 victoires en 14 matchs à la fin de la saison. Demers souffre d'anxiété. Il pense qu'il y a des problèmes au cœur. Évidemment, on lui demande de s'éloigner, on lui demande d'aller subir des traitements. Tout s'avère correct, mais le poids est très, très lourd. Et le Canadien, qui avait des ambitions au classement de sa section, ne va terminer que troisième. Ouais. Et terminer troisième, ça voulait dire retrouver les Nordiques sur le premier parcours des séries éliminatoires. Voici Haller. Haller qui perd. Haller qui revient à Sakic. Sakic maintenant. Dans l'entrave pour Young, le tir est bloqué par Roy. Et le retour à partir comme le goût. Quel arrêt de Roy! Oh! Sur le premier tir de Joe Sakic, Claude. À l'avantage numérique du tricolore. Bellows. Il lance à la droite du filet d'Extor. La rondelle appartient à Danfous. Il pivote bien, lance du revers, le retour et le but! Ah, le but est bon, je crois. Extor dit qu'il a été marqué avec le patin. Mais non, c'est pas le joueur qui a la. Tu sais, quand t'es derrière le banc, là, puis tu vois tes joueurs, là, comme tu vois la façon qu'ils réagissent, là, puis que ça s'encourage sur le banc, tu dis, tabarouette, tu sais, t'es pas supposé dire ça. Ils deviennent comme des enfants, tabarouette, tu sais. Je sais quand ça va aller mal, on va peut-être avoir des petits problèmes. J'espère qu'on va les régler, parce que je sais que je suis capable de les régler, mais ce groupe de gars-là devant moi, là, c'est un groupe spécial. L'entraîneur Jacques Demers, on sent qu'il les aime, ces joueurs. À l'émission, il était une fois diffusé en octobre 1993. Juste avant, vous entendiez la description de ce fameux but gagnant de Vincent Danfous en prolongation lors du troisième match des Canadiens contre les Nordiques de Québec. Première ronde des séries éliminatoires du printemps 1993. Ce but de Danfous-là, ça allait mal. Le Canadien avait perdu les deux premiers matchs, Pierre-Houd. On dit que c'est à ce moment-là, avec ce but-là, que tout... Le Canadien réussit à tout faire basculer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, il s'est passé peut-être des moments importants au préalable. Ouais. Parce qu'après le deuxième match, évidemment, même la presse montréalaise commence à dire que Ron Extall est supérieur à Patrick Roy. Il faudra l'accepter. Le gardien des Nordiques. Le gardien des Nordiques à l'époque. Ouais. Et que les Nordiques forment une équipe plus talentueuse, plus jeune, plus agressive, plus affamée et ainsi de suite. Et il y a cette fameuse déclaration de l'ancien gardien des Nordiques de Québec, Daniel Bouchard, qui dit « Je crois que j'ai moi-même, comme ancien gardien, décelé une faille chez Patrick Roy, une faille que les Nordiques exploitent et vont continuer à exploiter. » Ce qui, évidemment, irrite au plus haut point le compétiteur à outrance qu'est Patrick Roy. Mais il y a des anciens joueurs qui m'ont révélé, et ça n'a pas été nécessairement très, très, très, très connu, Serge Savard a fait aussi un acte de foi très fort envers ses joueurs qui étaient isolés, là, qui étaient en cloître, en quelque sorte, pendant des séries, avec son calme reconnu, avec sa prestance qui était très, très imposante. Il a dit, écoutez, calmez-vous. Vous avez bien joué ces deux matchs-là. Ça a tenu de toutes petites choses. Il reste encore 4 matchs pour revenir. J'ai confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ouais. Donc, Savard aura été rassembleur à sa façon, même si l'entraîneur était Jacques Demers. Ouais. Puis il y a... C'est anecdotique, mais c'est plus qu'anecdotique, parce qu'effectivement, vous avez parlé de Ron Extall. Cette première série, c'est beaucoup un duel entre gardiens, entre Patrick Roy et Ron Extall. Et Extall a une petite habitude avant chaque match. Puis là, il y a ce joueur, Mario Roberge du Canadien, qui va essayer de, on dirait, de jouer avec son mental ou dans son mental. Mais racontez-moi ça. Et la suggestion est venue du capitaine Guy Carbonneau. Il est allé voir Jacques Demers. Il a dit, Jacques, est-ce que Mario Roberge sera en uniforme pour le match numéro 3? Jacques Demers dit. Évidemment, non. Mario était surtout le policier de l'équipe à l'époque. À une époque, on en avait besoin, Jacques. Alors, Demers dit, pourquoi? Ben, il a dit, c'est parce que nous, on ne peut plus sentir blairé, on ne peut plus tolérer l'affront que nous fait Extall tous les soirs de traverser la ligne du centre, qui est une espèce de loi non écrite en hockey. Il a dit, pourquoi est-ce que Mario Roberge, qu'on pourrait au moins avoir en uniforme dans la séance d'échauffement, n'irait pas régler le cas de Ron Extall? Et vous avez toute une scène, toute une série de petits gestes de Mario Roberge, très, très, très dissuasifs à l'endroit de Ron Extall. Alors, ce qu'on faisait, on passait le message de la défense du territoire, mais on jouait aussi carrément dans le tout l'aspect mental de ce gardien, Ron Extall, qui, on le sait, était plutôt fragile. Donc, à chaque fois qu'il essaie, avant le match, évidemment, de traverser la ligne rouge, clash, un petit coup pour le dissuader. Un petit coup de bâton sur le mollet. Ouais. Mario Roberge avait le don d'en donner de très bons. Ouais. En préparant l'émission, je lisais un texte qui date il y a quelques années, mais un texte du journaliste François Gagnon, qui écrivait en gros que cette série-là pour les Nordiques, ça a été cette défaite des Nordiques, alors que ça avait si bien commencé, ça a été le début de la fin. Vous en pensez quoi? Ah, je pense qu'il a raison. Évidemment, il y a tous les facteurs économiques et financiers qui ont expliqué le départ des Nordiques par la suite. Mais c'est très vrai que si les Nordiques avaient pu aller loin en série, qui sait, peut-être gagner la Coupe Stanley. C'est une équipe qui avait quand même des ressources pour le faire. On aurait peut-être réécrit l'histoire, Jacques. Ouais. Mais ce qui est très, très vrai aussi, c'est que autant les Nordiques étaient sur une pente ascendante, on est en train de refaire la base de cette équipe qui, pas si longtemps après, a gagné la Coupe Stanley à Denver. Mais c'est une équipe aussi qui était plutôt inexpérimentée. L'entraîneur Pierre Paget était très, très, très impulsif. Vous vous rappelez cette scène où il engueule littéralement Mats Sundin, qui pourtant s'est avéré l'un des grands joueurs de l'histoire. Il y avait des facteurs qu'on pouvait exploiter chez le Canadien de Montréal. Et Patrick Roy a été le premier à le faire. Et avant que Danfous marque le but qui a assuré le tournant lors du troisième match, il a fait un arrêt miraculeux contre Scott Young, qui a fait tourner la série, selon moi. Alors, le Canadien remporte cette première ronde contre les Nordiques, qui avait mal commencé pour les Canadiens avec deux défaites. L'obstacle des Nordiques franchi, on peut dire que ça... Écoutez, le reste, les deux rondes qui vont suivre, c'est l'état de grâce pour les Canadiens. Ça se passe très, très bien et facilement, on peut dire ça. Ça a été expéditif, disons-le. Ouais. 4 victoires contre Buffalo, mais 4 victoires de 4-3, dont 3 en prolongation, Jacques. Alors, les anciens nous disent tous de ne pas minimiser la difficulté de cette série-là. Tout tenait à un fil. Les Islanders ne devaient pas être là sur le parcours, mais ils ont battu les Penguins de Pittsburgh contre toute attente et se sont retrouvés sur le parcours du Canadien, ce qui s'avérait un adversaire beaucoup plus facile à vaincre que si les Penguins avaient accédé au tour suivant. Dernière ronde de ces séries éliminatoires du printemps 93, les Canadiens qui font face aux Kings de Los Angeles et évidemment au redoutable Wayne Gretzky. Les Kings ont remporté le premier match de cette série. Ils mènent 2-1 devant les Canadiens à moins de 2 minutes de la fin de la troisième période du deuxième match, quand survient ce qui va peut-être devenir le point tournant de cette série finale de la Coupe Stanley en juin 93. Il y a des joueurs qui sont aperçus lors du premier match que Marty McSorley avait un hockey illégal. Guy Carbonneau. Dans toutes les séries éliminatoires, tu essaies toujours de trouver les faiblesses de l'autre équipe et de l'exploiter. C'est un peu ce que tu regardes lorsque tu commences un match. Si le bâton est légal, oh là, c'est une décision. C'est audacieux comme geste. Très audacieux. Si le hockey est légal, moi j'ai un 2 minutes. J'empêche mon équipe d'avoir un jeu de puissance. Puis si je sors mon gardien de but, j'ai 2 minutes, c'est 5-5. On a vu au fil des minutes là, que certains joueurs des Kings avaient changé leur bâton pour remettre le bâton légal, sauf lui. On était sûr de notre affaire. J'ai risqué, j'ai pris une chance. Mais qui reste pas, gagne pas non plus. Est-ce que le bâton est bon? Non. On le retire alors. 2 minutes à McSorley. Alors, Canadien pourra retirer le gardien. Gilles a joué à 6-4. Oh, ça a été bien pensé, ça. Marty McSorley n'était pas le seul joueur des Kings de Los Angeles qui avait une courbe illégale. Il devait être 6 ou 7, si c'est pas plus. C'était la même chose de notre côté. Comme tout le monde, on avait 1 ou 2 bâtons illégaux placés de côté, puis 1 ou 2 bâtons légaux. Alors, lorsque tu arrivais dans les dernières minutes d'une joute ou dans des moments cruciaux où tu savais, où tu sentais qu'il allait arriver quelque chose, les joueurs changeaient le bâton. On a senti que les Kings de Los Angeles étaient ébranlés. Tu mènes 2-1, la mise en jeu dans ton territoire, puis tu as le contrôle du match, tu as une punition, bâton illégal. Où est-ce que là? On est à l'intérieur du mi-cercle. On marque le but 2-2, puis là, on s'en va en sortant, on rentre dans la chambre. Rien qui se dit aux joueurs, hein? Bien, les gens disent qu'ils sont dû prendre perdre une. Un autre but d'Éric Desjardins, ils sont troisième. Puis on gagne le match. Et le but! Les trois buts d'Éric Desjardins! Extrait de l'émission « L'époque des héros » diffusé en octobre 2009. Vous y avez entendu Jacques Demers et Guy Carbonneau. Quel impact ça a eu, cette affaire-là, le bâton de Marty McSorley? L'impact a été double. Le Canadien a trouvé sa bouée de sauvetage et les Kings sont morts, littéralement, oui. À ce moment-là. Parce qu'après, ils s'écroulent, ils s'effondrent complètement. Luc Robitaille, qui était le coéquipier de Marty McSorley, qui était l'étoile des Kings cette année-là, parce que Gretzky avait raté presque la moitié de la saison, il est aux côtés de l'arbitre Carey Fraser, puis il dit à Carey Fraser, « Dis-moi que c'est pas vrai. » Fraser répond, et je fais une traduction littérale, « Luc, c'est même pas proche en termes d'illégalité. Ouais. » Alors, Carbo avait eu le bon flair, les joueurs du Canadien. Enfin, Carbo, qui a été celui qui a été la référence ultime de Jacques Demers, a eu le bon flair. Et le reste, évidemment, c'est un peu l'histoire, sans dire que le parcours du Canadien a été hyper facile. Il reste que ça a été le grand tournant. On a eu ensuite, dans le troisième match, le fameux clin d'œil de Patrick Roy à Thomas Sandstrom. Il y a eu des moments qu'on retient. Pour le défi, en fait. Pour le défi. En fait, et pour lui dire, bah, tiens, je t'ai eu. Ouais. Et ça, on le retient parce que c'était très fort comme image. C'était mais le parcours du Canadien après cette victoire en prolongation, sans dire qu'il a été facile, a été quand même un parcours beaucoup plus serein. Ouais. Et le dernier match s'est fait vraiment dans une conquête facile au Centre Bell où Jacques Demers a même pu utiliser des joueurs qui avaient peu été utilisés pour s'assurer qu'ils allaient avoir leur nom sur la Coupe Stanley. Ainsi était fait Jacques Demers. Oui. On boucle la boucle pour souligner une dernière fois pourquoi cette série-là est une série mémorable. On comprend que pour les amateurs des Canadiens, c'est important, la conquête de la Coupe Stanley en 93, mais plus largement, Pierre-Houde, sur le plan sportif, elle se place où au panthéon des séries mémorables, celle-là? Bien, je pense qu'elle se place je vais vous le dire à ma façon, Jacques, je pense qu'elle se place dans l'ère moderne du sport. À la moderne, on aime les exploits, on aime que les négligés des parieurs repoussent les probabilités, mais on aime aussi les histoires humaines. Ouais. On aime s'abreuver et même parfois verser une larme lorsqu'on regarde un documentaire ou une biographie d'athlète ou un documentaire sur une équipe. Et je pense que la conquête de 93 est de cette amplitude et de cette modernité. Bien qu'il n'y a pas eu d'équivalent depuis, il reste que le Canadien a amené dans l'ère moderne ce qu'il avait fait dans l'ère plus glorieuse de la Ligue nationale de hockey à l'époque des six équipes et à l'époque de ces équipes dominantes et glorieuses. Pierre-Houde, c'était fascinant. Animateur, journaliste sportif, responsable de la description des matchs des Canadiens au Réseau des sports. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, Jacques. Merci. À la prochaine. Plaisir partagé. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.